41. La reproduction des connaissances. Lu par François Chenel. La reproduction des connaissances. Half-Life, jeu sorti en 1998, reprend la formule des first-person shooters, où le joueur déambule dans un univers en caméra subjective et tire sur tout ce qui bouge. Animation léchée, bande-son réaliste, il s'avère efficace, réussi. Mais sa particularité tient surtout à ce que ses concepteurs ont laissé aux joueurs la possibilité de bâtir leurs propres histoires à partir d'un module spécifique intégré au programme. Rien de révolutionnaire là-dedans. Depuis les années 80, un grand nombre de jeux permettent de bricoler ses propres niveaux et d'amender les univers fournis à l'origine. Cependant, la démarche a été ici poussée tant et si bien que le joueur peut recréer un univers graphique entièrement neuf, ajouter des personnages, imaginer son propre scénario. Min Lee, étudiant canadien de Vancouver, s'est immédiatement saisi de ses possibilités. En 99, il bâtit un modification d'Half-Life, baptisé Counter-Strike, qu'il place sur le web en téléchargement gratuit. Le succès est considérable. Très vite, Counter-Strike devient le plus populaire des jeux d'action multijoueur, écrit le New York Times. Pour la première fois, un mod créé à partir d'un jeu détrône le jeu d'origine. Cet engouement ne laisse pas les producteurs d'Half-Life indifférents. Ils rachètent le mod à son auteur, développent une version 2 avec son concours qu'ils mettent sur le marché comme un produit autonome. Half-Life s'efface et Counter-Strike prend son envol. Destiné à l'origine au seul PC, il est devenu un jeu indépendant, décliné sur les consoles de jeux et vendu à des millions d'exemplaires dans le monde.